19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'actualité s'emballe parfois, et cela même, si les faits ont plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Pour preuve, sur le terrain, les archéologues ne cessent de sortir de terre de l'inattendu, de l'imprévu, du jamais vu. Après la découverte de l'épave de l'Hérault, celle des trésors de l'âge du bronze dans l'Allier, c'est au tour des archéologues de Chartres de nous surprendre avec la mise au jour d'un grand sanctuaire antique dans un état de conservation encore inégalé. Ce soir, deux d'entre eux se prêtent au jeu, venir non seulement nous commenter leurs trouvailles, mais surtout les mettre en perspective. Mathias Dubuis, Bruno Bazin, bonsoir. Bonsoir. Conservateur du patrimoine, Mathias Dubuis, vous avez pris très récemment la direction du service de l'archéologie de la ville de Chartres Métropole. Bruno Bazin, vous êtes l'heureux archéologue responsable de cette trouvaille. L'archéologie s'avère souvent une entreprise de longue haleine. Pour preuve, voici près de 15 ans que vous fouillez cet édifice, Bruno Bazin. Oui, alors 15 ans par petite touche, on va dire, hein, parce que depuis 2006, effectivement, on fouille sur des périodes de 2 à 3 mois, voire 4 mois dans l'année, donc ce qui est relativement court, mais ce qui nous permet sur le long terme, au fil, de faire de la recherche fondamentale sur ce genre d'édifice. C'est des milliers de mètres cubes qui sont dégagés à l'appel mécanique, c'est ça désormais l'archéologie? On peut dire ça comme ça, mais c'est vrai que même si les 5 premières années étaient plutôt de la fouille préventive, puisqu'on avait encore des possibilités de construction, le terrain n'était pas réservé comme une réserve archéologique. On a décapé pas mal. Là, c'est beaucoup plus calme, on va dire. Et puis, les découvertes assez exceptionnelles dont on va parler font que les décapages à la pelle mécanique se sont un petit peu arrêtés depuis 4-5 ans, on va dire. Mathias, depuis ce grand sanctuaire n'est pas en centre-ville de Chartres, mais plutôt dans ses environs, en périphérie? Oui, absolument. En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle un sanctuaire suburbain, hein, c'est-à-dire un sanctuaire qui se situe aux limites de la ville, à l'extérieur du Grand Fossé, de ce qu'on appelle le Grand Fossé à Chartres, qui est cette enceinte qui délimitait une superficie d'environ, comprise entre 250 et 300 hectares à peu près, à l'intérieur de la ville antique. Et le sanctuaire de Saint-Martin-en-Val se trouve immédiatement au sud de cette grande enceinte, le long d'une voie de communication, d'un axe très important qui est la route qui relie Chartres à Orléans. Donc Autricum, hein, la Chartres antique, à Orléans, c'est Nabom, les deux villes faisant partie de la même cité, du même territoire, la grande cité des Carnutes. Et donc la position du sanctuaire de Saint-Martin-en-Val montre aussi l'importance de cet axe de communication et de la relation entre ces deux villes, qui se complète aussi sans doute sur le plan politique, économique, puisqu'Orléans a priori recouvre plutôt un rôle économique, et on peut imaginer que Chartres a un rôle plutôt politico-religieux. On a aussi des sanctuaires en ville? On a aussi des sanctuaires en ville, évidemment. Dans les villes antiques, on a des sanctuaires qui sont d'ailleurs plus souvent dédiés au culte impérial, au culte de l'empereur, et qui sont généralement associés au forum. Il y avait probablement au centre de Chartres un temple qui était associé au forum. On connaît très mal cette partie de la ville antique de Chartres, puisque le cœur de ville, vraiment, la vieille ville sur le plateau, est la partie qui a été encore la moins fouillée. Mais là où peut-être il y a du Gaulois. C'est ça. Alors, absolument. Là où il y a du Gaulois, on sait qu'il y a du Gaulois, puisque Paul Courbin, dans les années 70 notamment, a fait réaliser des sondages sur le site qu'on appelle le site de la rue Sainte-Thérèse, et qui a permis de mettre au jour des éléments mobiliers gaulois. Maintenant, les méthodes de fouille qui étaient employées à l'époque par Paul Courbin, qui s'inspirait de la méthode Wheeler, permettent pas forcément aujourd'hui de bien comprendre la manière dont s'articulent ces découvertes d'un point de vue stratigraphique. Mais effectivement, il y a du gaulois. On ne sait pas encore quelle était la nature précise de la ville gauloise de Chartres, mais cette présence est attestée. Un oppidum, bien sûr. Cela ferait rêver. Où se trouve donc ce grand sanctuaire en périphérie? Au sud de la ville, sur l'Eure? C'est ça, au sud de la ville, dans la vallée de l'Eure, donc il est vraiment en fond de vallée, aujourd'hui à peu près à une centaine de mètres au cours de la rivière, peut-être plus proche à la période antique, puisqu'on ne connaît pas encore précisément les fluctuations de la rivière, mais on est tout à fait au sud et dans une zone qui est une zone par ailleurs occupée par différentes activités, puisqu'on sait qu'il y a de l'activité artisanale dans ce secteur de la ville, avec des carrières, des ateliers de potiers, de verriers, et aussi des zones funéraires, pas très loin, avec une nécropole, la nécropole de Reverdy, qui a été fouillée par l'équipe de la direction de l'archéologie il y a quelques années, et qui est probablement une nécropole principalement destinée aux enfants, puisqu'on a trouvé une centaine de sépultures d'enfants déposées dans des pots, dans des poteries, datées du IIe siècle de notre ère. Bruno Bazin, on serait sur un ancien abattoir ? Oui, plus en fait, c'est ça. Le terrain a été, on va dire, libéré récemment, puisque, enfin récemment, dans les années jusqu'en 2001, était occupé par les anciens abattoirs construits en 1836. Donc les abattoirs, ce qui est assez marrant d'ailleurs dans l'anecdote, c'est que lorsqu'on a commencé à fouiller le quadriportique du premier temple, du grand temple, on s'est aperçu qu'en fait les murs des abattoirs se sont posés directement sur les anciens murs, puisqu'ils sont quand même relativement larges, 1m60 et 2m10 pour le péribole. Donc ils se sont pas embêtés du tout, hein. Ils ont récupéré les anciens murs antiques qui étaient encore présents lorsqu'ils ont fait leur tranchée, ils se sont posés directement dessus. Et les derniers vestiges, on va dire, de ces abattoirs ont été démolis en 2001. À côté, sur la zone où est situé le bassin, on avait les maraîchers qui, pareil, sont partis quelques temps après en emmenant leur terre végétale directement. Sur combien d'hectares s'étire ce sanctuaire ? On estime pour l'instant que le sanctuaire s'étire sur à peu près 11 hectares. Donc ce qui est une très grande superficie en comparaison, on peut pour aller pas très très loin, hein, le Vieil Évreux qui est une superficie beaucoup plus importante. On peut comparer à la Motte Haussière aussi qui est un édifice situé en périphérie de la ville de Sens et qui est relativement important aussi. Enfin, voilà, on a plusieurs comparaisons, mais c'est vrai que celui-ci est assez important. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que au travers de ce sanctuaire, plusieurs bâtiments sont présents. Un temple à quadriportique, donc on connaît beaucoup mieux maintenant, depuis les fouilles de 2006. Et puis, des temples périphériques, ainsi qu'un portique de façade qui délimite certainement l'aire sacrée, et d'autres édifices, en fait, qui complètent la panoplie cultuelle. Donc ce n'est pas un sanctuaire, c'est un complexe de sanctuaires. C'est un complexe culturel, mais on appelle ça aussi sanctuaire. Hein. Moi, je donne toujours la comparaison de Lourdes. Lourdes, vous n'avez pas que l'église, vous avez aussi d'autres bâtiments qui gravitent. Voilà, la grotte, par exemple, d'autres bâtiments qui gravitent autour. Donc, ils forment l'ensemble du sanctuaire. Donc là, c'est pareil, on a différents bâtiments dont on ne connaît pas forcément la destination pour certains. On peut avoir des hospitalias qui sont là pour l'accueil, des thermes qui sont là pour les ablutions, d'autres temples périphériques avec des déesses périphériques qui sont honorées au-delà de la déesse principale. Enfin voilà, différents bâtiments qui forment ce qu'on appelle un complexe culturel, mais qu'on peut aussi définir comme un sanctuaire. Et quelle image doit-on se faire de ce genre de sanctuaire ? C'est l'église de la Madeleine, entourée d'un gigantesque bâtiment ouvert, une sorte de déambulatoire composé de colonnes, un quadriportique, c'est bien ça ? Alors pour le plus grand édifice, oui, c'est un temple à quadriportique, donc effectivement on peut le comparer à la Madeleine pour ce qui est de Paris. Moi je dirais, pour l'Antiquité, pas très loin, chez nous aussi, on a la maison carrée de Nîmes, qui est un temple, qui est entouré donc de son portique qu'on peut, moi j'ai souvent tendance à dire qu'on peut comparer aussi aux cloîtres médiévaux, c'est-à-dire une partie avec colonnade à l'intérieur, l'autre partie fermée avec un mur plein en extérieur, dans lequel les gens déambulent avec une cour intérieure, en l'occurrence là, l'ensemble entoure une cour sacrée. Et la particularité de ce temple à quadriportique, c'est que le temple de Saint-Martin est situé donc en connexion avec le portique ouest, la galerie ouest de circulation, et non pas à l'intérieur de la cour sacrée. Ça fait vraiment le temple fait vraiment une adjonction sur le portique ouest, hein. Et le grand quadriportique fait un espace immense qui se greffe sur ce temple. Ça fait 4 hectares et demi, c'est ça ? Oui, pour la cour intérieure, en totalité avec les portiques, on est à 6 hectares. C'est gigantesque. Gigantesque. Donc on pouvait imaginer qu'il y ait des milliers de personnes au sein de cette cour ? Eh ben, vraisemblablement oui, et d'autant plus qu'on est sans doute sur un sanctuaire qui a une vocation qui s'étend au-delà de la seule population de la ville, probablement au niveau de la cité, hein, c'est-à-dire du territoire lui-même, cité au sens romain du terme. Vous y voyez aussi un monument inachevé, c'est donc plus la Madeleine, c'est presque Saint-Sulpice. Alors c'est une particularité, mais alors il faut nuancer tout ça, hein, parce que la zone qu'on a fouillée pendant quelques années jusqu'en 2011, c'est juste l'angle du quadriportique, en fait l'angle nord-est. C'est vrai que cette partie-là présente cette particularité, c'est que en dessous des couches de démolition, de destruction, on est quasiment sur les couches de construction. Il y a des petits niveaux archéologiques, des petites couches stratigraphiques qui ne sont que des dépôts éoliens. Donc on voit bien qu'à une période qui est au-delà des années 140, on a un arrêt de la construction, mais on n'a pas encore de récupération avant les années 230. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui fait qu'on arrête la construction, mais il y a une vraie volonté de la part de la cité, des administrateurs, de reprendre cette construction de ce grand édifice. Chose qui n'arrivera en tout cas jamais, je précise toujours, pour l'angle nord-est, parce que pour moi, le grand temple à cadre portique est quand même en fonction. On connaît la date de création de ce sanctuaire ? 70 après Jésus-Christ, c'est vraiment le début de la construction. On a la mise en place de tout ce qui va être remblayage, de tout ce qui va être tranchée de fondation, de tout ce qui va être aussi zone de circulation avec la dépose de petits cailloutis qui vont permettre aux chariots d'amener tous les matériaux. Donc on est vraiment au début de l'époque flavienne, c'est-à-dire au moment où la romanisation est à son plein et où, à partir de Claude, on crée toutes les structures administratives et on développe en fait la période monumentale dans les villes romaines. C'est un grand projet architectural, bien sûr, lié au pouvoir local de Chartres. Bah oui, évidemment, c'est clairement aussi un reflet de l'investissement, de l'évergétisme et de toutes les moyens qui sont mis en œuvre par le pouvoir romain dans la cité. Et c'est vrai que pour faire la suite un peu à ce que disait Bruno tout à l'heure, la question de l'achèvement de la construction, justement, il peut se poser en ces termes-là aussi. Il faut voir quelles étaient l'ampleur de ces chantiers de construction. Et de la même manière que les cathédrales, par exemple, n'étaient jamais vraiment achevées, hein, la cathédrale de Chartres, il y a un certain nombre de clochers qui n'ont jamais été construits, et ben on peut imaginer aussi que ces temples, bah, on avait des programmes architecturaux, des parties qui étaient finies et d'autres qui restaient en chantier de manière un peu permanente. Venons-en à la grande découverte et tout d'abord la découverte d'un bassin de marbre, bien entendu. Ce bassin, en fait, est situé en façade du temple d'Apollon, qui est un temple périphérique donc au grand cadre portique. Sur la portion ouest, à peu près à 150 mètres du cours de l'Eure actuel. Donc c'est une vraie découverte sur laquelle on ne s'attendait pas, puisque on est 4 mètres plus bas en stratigraphie que le temple à cadre portique, et on est surtout 2 mètres sous la nappe phréatique. Donc ça crée des contraintes très particulières. On voit bien que les niveaux d'eau et de nappe ont bien remonté par rapport à ce qui existait à l'époque antique. Ce qui est intéressant, c'est que cet édifice, le fait qu'il soit beaucoup plus bas, qu'il était rapidement recouvert par l'eau, etc., a fait qu'il a été préservé à la fois dans son architecture et dans ce qui pouvait aussi le décorer, notamment avec ces éléments de bois dont on va parler. Alors les bois, c'est la grande découverte. Ce que vous avez découvert au centre donc de ce bassin, c'est des bois totalement carbonisés. C'est ça, alors c'est une très grande découverte, moi je dirais, hein, parce que dans la vie d'un archéologue, je crois qu'on n'en voit pas tous les jours. Et moi j'ai cette chance, l'équipe avec qui je travaille a cette chance aussi, on s'en rend vraiment, vraiment compte. Hein. Donc oui, effectivement, ce sont des bois qui sont très bien conservés, pour la plupart, puisqu'ils ont subi à la fois un incendie qui a permis de durcir en surface le bois, mais juste ce qu'il faut, avant de s'effondrer dans le bassin et donc d'être éteint, et puis ensuite d'être préservé par les éléments de démolition par-dessus, ce qui fait qu'on a une conservation, on peut dire, optimum de cet ensemble. Et puis la nappe phréatique est peut-être remontée, non ? Exactement. La nappe phréatique est remontée petit à petit, ça on le sait par les analyses sédimentaires des dépôts qui étaient contenus dans le bassin, qui ont été réalisés, qui montrent qu'on a une remontée progressive de la nappe phréatique, et c'est ce qui a permis de conserver aussi bien cet élément décoratif. Alors le plus extraordinaire, c'est que nous avons affaire à un plafond à caissons, c'est bien ça ? Exactement. On en connaît l'existence hein, à l'époque antique, c'est attesté dans les textes, c'est attesté aussi sur l'architecture, on en voit sur les temples, notamment les plafonds à caissons en pierre, hein. On en voit sur les peintures murales aussi qui sont dessinées, mais on en a rarement eu des occurrences conservées archéologiquement. Ça c'est une réelle découverte, on a juste une comparaison. Herculanum, hein, qui est pas la moindre, je dirais, où effectivement on a un plafond conservé de la même manière. Recouvert par les cendres. Exactement. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Ce que vous avez, c'est 700 éléments de bois formant donc des caissons. Alors c'est vrai que ce qui est remarquable dans le travail de l'équipe qui entoure Bruno, enfin l'équipe qui travaille sur le site, et moi qui m'a frappé quand je suis arrivé à Chartres il y a si peu de temps, c'est que ce chantier de Saint-Martin-en-Val, c'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert. C'est-à-dire que l'équipe a fait cette découverte autour de 2016-2017. Ils se sont aperçus qu'il y avait ces bois, et puis ils ont pris le temps de la réflexion, en lien avec le service régional de l'archéologie. Le chantier a été un peu mis en stand-by, ils ont continué à avancer sur d'autres pistes, et parallèlement, ils ont développé un vrai protocole en fait de recherche pour traiter ces bois, parce qu'évidemment c'est un matériau extrêmement fragile, il faut les conserver par la suite, donc on a investi dans l'achat de chambres froides, d'une grande piscine qui permettent de conserver ces pièces de bois dans les locaux de la direction de l'archéologie, et parallèlement l'équipe a mis en place vraiment des protocoles de prélèvement qui consistent à pouvoir extraire ces pièces de bois du bassin de manière très précautionneuse, les emballer, les conditionner, en lien avec les conservatrices, restauratrices qui travaillent avec nous aussi. C'est une sorte de Mikado, en fait. Complètement, c'est un Mikado géant. D'ailleurs, c'est un parallèle qu'on a utilisé lors des dernières journées du patrimoine. Et vraiment, ces protocoles ont été mis en place pendant 2-3 ans, avant de lancer la première année de fouille triennale, en 2019. Ensuite, donc, la fouille, comment fait-on ? Compliqué. Parce que c'est un élément qu'il faut conserver, on va dire, presque dans son milieu d'origine. Parce que il s'est vidé, en fait, on va dire, de sa sève, de ses résines, etc. Donc les canaux intérieurs se sont remplis d'eau. Et quand on les fouille, alors quand ils sont légèrement calcinés, c'est plus simple parce qu'on a une partie durcie en surface, donc prélever est plus facile. Mais lorsqu'ils sont à peine été brûlés, on a, ce que je compare souvent avec une éponge, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès qu'on les touche, c'est très spongieux. Donc il faut prendre toutes les précautions pour pouvoir les prélever. D'autre part, le fait qu'ils soient enchevêtrés les uns dans les autres, c'est complexe parce qu'il faut pas non plus prélever trop vite, il faut comprendre comment ils sont enchevêtrés, donc faire des relevés topographiques, les positionner dans l'espace pour pouvoir ensuite restituer la forme du plafond lorsqu'on aura prélevé. L'effondrement aussi. Par la question. Et l'effondrement aussi. Quoi. En tout cas, ce que vous avez, c'est des sortes d'hexagones, des losanges, des palmures, des feuilles d'acanthe, tout ça est complètement décoré. Tout ça est conservé, oui. Le plafond est un plafond suspendu avec des baguettes de chêne, des crochets. Dans des poutres qui structurent l'ensemble du plafond, on retrouve des pitons. Ces crochets viennent se fixer dans les pitons et les baguettes viennent s'accrocher à la charpente. Donc ça, c'est la structuration. Au milieu de cette structuration, on retrouve des hexagones fabriqués avec des poutrelles qui forment des étages, on va dire, qui forment une profondeur, comme sur les plafonds de la Renaissance, qu'on retrouve dans les châteaux de la Loire, par exemple. Avec des décors extrêmement fins de menuiserie, où on retrouve tout le registre décoratif architectural qu'on a sur les colonnes et qu'on a à l'intérieur du temple d'Apollon qui est juste au-dessus, et puis à l'intérieur du bâtiment qui enserre ce bassin. Donc on a des raies de cœur, des ovres, des palmettes, des tresses à deux brins, à un brin, enfin voilà, qui sont très bien ciselées, très bien conservées par le feu et par l'eau. Vous avez daté ces poutres et ces éléments ? Oui, on a une datation qui est réalisée donc par dendrochronologie, c'est-à-dire qu'on va regarder les cernes en fait de ces éléments qui ont été coupés pour avoir une date d'abattage. On est dans les années 120-140. Donc dans la phase de création donc du temple. On commence en 70, on peut imaginer que 75 ans après, on continue à construire cet édifice. C'est ça, oui. On est dans la même phase de construction que le grand temple à quadriportique, donc on est dans le même programme architectural. Vous avez fait aussi des analyses des essences des arbres, pour savoir bien sûr de quel type d'arbre il s'agissait, mais aussi les éventuelles provenances, c'est bien ça ? C'est ça, alors on a eu un petit peu la surprise, même si les textes antiques en parlent, notamment Théophraste ou Vitruve, pour ne citer qu'eux, d'avoir une majorité de sapins. On s'attendait à avoir du chêne, mais on a une majorité de sapins qui constitue à la fois les caissons et la charpente. Et puis on a, pour les décors, du tilleul utilisé, et très très peu de chêne finalement, sauf pour les baguettes de suspension et puis quelques éléments de la charpente. Mathias Dubuis, on sait le devenir de ce plafond, ou de cette partie de plafond ? Le devenir du plafond, le plafond à un moment ou un autre, de toute façon, il s'effondre, où il est en partie récupéré, les éléments sont remployés et puis rejetés dans le bassin, où ils tombent dans le bassin, ce qui permet leur conservation. Effectivement, ce que ça pose comme question plus largement, c'est la question du devenir du temple et de l'abandon progressif du sanctuaire. Alors c'est vrai que là-dessus, on a des informations qui restent encore partielles, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, puisque on sait que pour ce qui concerne, en tout cas, la partie fouillée du grand quadriportique, cette zone est abandonnée assez tôt, dès la seconde moitié du deuxième siècle, a priori, et qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui montrent que cette zone n'est plus spécifiquement utilisée. Maintenant, la partie où il y a le bassin et le temple d'Apollon, elle semble perdurer plus longtemps. Et après, on a du mal à savoir comment peut continuer à fonctionner le reste du sanctuaire, dont on n'a fouillé qu'une petite partie. Donc il faut encore pousser les investigations archéologiques plus loin pour avoir une vision plus nette de cette chronologie. Ces bois, ils vont devenir quoi exactement aujourd'hui? Ils sont conservés, mais est-ce qu'ils iront dans un musée? Eh ben oui, ça c'est l'objectif. Nous, on aimerait bien les montrer. Vous allez les reconstituer, vous allez essayer de reconstituer ce plafond. Voilà, dans l'immédiat, il y a un certain nombre de pièces de bois qui sont conservées dans notre dépôt archéologique, hein, dans une chambre froide notamment, pour les conserver dans leur intégrité. Les pièces les plus remarquables, les plus belles, sont parties en restauration à Arc Nucléaire, à Grenoble, hein, qui est quand même le lieu un peu phare où on restaure les bois archéologiques en France. Et l'idée, c'est évidemment qu'on puisse, un jour ou l'autre, restituer au public ces données, ces découvertes, et présenter ces bois dans un futur musée archéologique qui aurait toute sa place à Chartres. Bruno Bazin, reste à savoir qui est honoré dans ce grand sanctuaire antique. C'est une bonne question. On a des idées, mais... Si, dans le temple périphérique, on sait que c'est Apollon. Dans le quadripartite, on n'en a aucune idée. Après, vu la taille de l'édifice qui est géré par la cité, qui est ouvert sur le territoire, on peut n'avoir qu'à une grande divinité, Polyade, c'est obligatoire. On est dans un culte public géré par la cité, donc voilà. Après, pour le temple secondaire en relation avec le bassin, on sait que c'est Apollon. Par deux découvertes d'inscriptions, une base de statue avec un pied d'Apollon dessus, cassé, hein, la statue bien sûr, et puis une inscription en marbre blanc d'un affranchi paternus, affranchi Justius, qui voilà vient de faire son vœu en tout cas par le biais de cette inscription. On a affaire là à Apollon avec l'épithète Vatumogon, grand devin, qui est pas courant, hein, qui est une forme qui est inédite dans le panthéon romain, mais on peut faire une comparaison avec l'Apollon de Niel qui a été trouvé l'inscription qui a été trouvée sur le bec d'un mortier en céramique avec Apollon Vatumarus, Vatumaros donc pour l'acception gauloise qui signifie aussi grand devin. Alors après de là on est au monde gallo-romain là. On est dans le monde gallo-romain complètement. Alors là après de dire que on a affaire à un Apollon guérisseur, on a effectivement des occurrences à Niel, on a des occurrences à Alésia aussi avec l'Apollon Mauritagus, parce qu'on a découvert des ex-voto. Sur Chartres, pour l'instant, on n'a pas d'ex-voto. Mais l'idée germe quand même petit à petit qu'on pourra avoir affaire à un Apollon guérisseur. Voilà. Mathias Dupuis, ce sanctuaire n'aurait pas été exclusivement destiné à la population urbaine de Chartres ? Non, absolument. C'est un sanctuaire qui est vraiment qui a une dimension territoriale. On le comprend à travers son ampleur. Hein, c'est vraiment sa superficie. Et puis par sa position géographique aussi. Il n'est pas strictement dans la ville. Il est à la porte de la ville. Donc évidemment, c'était probablement un sanctuaire dédié à la population, à l'ensemble de la population de la cité des Carnutes. Ce sanctuaire nous renseigne-t-il sur les pratiques religieuses antiques en général? Alors, je vais dire oui et non. Bruno Bazin. Non, il renseigne, c'est intéressant parce que ça fait partie des grands complexes culturels. Donc, bien sûr, il complète les données sur ces édifices très importants à l'époque romaine pour l'image religieuse, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ce qui nous manque vraiment sur ces fouilles, c'est tout l'ensemble des rituels qui pouvaient être pratiqués et surtout les offrandes, les objets qui pouvaient être déposés. À part les inscriptions dans le temple d'Apollon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui nous permettrait de voir comment était pratiquée la religion dans ce type d'édifice. En tout cas, ce qui est très étonnant, c'est que les premières traces de démantèlement et de récupération des matériaux apparaissent dès le 3e siècle de notre ère, ce qui est extrêmement précoce. C'est une période où tout va à peu près bien. Oui, c'est une période à laquelle tout va bien. Et d'ailleurs, le 3e siècle, c'est plutôt une période faste pour la ville de Chartres. C'est la période au cours de laquelle on retrouve ces grands ensembles de peintures murales dans le centre, sur la place des Éparts, avec des domus luxueuses, très richement ornées. Donc, c'est pas une période de déclin de la ville, absolument pas. Mais encore une fois, est-ce que là, on n'a pas aussi des différenciations dans l'ensemble du sanctuaire entre des zones qui sont progressivement abandonnées ou qui sont moins utilisées, d'autres qui sont plus investies? C'est là, il y a aussi peut-être un biais de lecture qui est lié à notre connaissance partielle du complexe. en tout cas, on précède au IIIe siècle le démantèlement, on va dire, du sanctuaire qui est lié à sa transformation ultérieure en lieu de culte chrétien, qui arrivera un peu plus tard, autour du Ve siècle. Justement, quel est le devenir du sanctuaire au cours de l'Antiquité tardive, puis du Moyen-Âge ? Eh ben, ça va rester un lieu extrêmement important. C'est toujours d'ailleurs un lieu extrêmement important, puisque c'est là que se trouve la direction de l'archéologie aujourd'hui, dans les abbayes Saint-Brice, où nous avons nos locaux. Mais en fait, on est vraiment, et ça c'est assez fascinant, à Saint-Martin-en-Val, face à un vrai phénomène de christianisation d'un sanctuaire païen. Ce qui est un topos un peu dans l'historiographie, mais qui est... C'est vraiment un lieu commun, mais qui n'est pas si souvent attesté archéologiquement, à raison, parce qu'il y a beaucoup d'églises du Haut Moyen-Âge, enfin de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, qui s'implantent plutôt sur des bâtiments civils. Et en fait, des bâtiments cultuels qui sont vraiment remployés comme églises, c'est relativement rare. Et ici, à Saint-Martin-en-Val, face au temple qui est donc situé, au temple sur podium qui est situé dans le portique ouest, on va avoir la construction, dès l'époque mérovingienne, dès le VIe siècle, d'une église qui va devenir une église extrêmement importante, qui va être le noyau d'une abbaye par la suite, et qui est une église dans laquelle on sait que dès le Haut Moyen-Âge, on a aussi des systèmes de translation, de conservation de reliques. Il y a des évêques de Chartres qui sont inhumés dans cette église, avec sans doute des systèmes de procession, là aussi, qui se font depuis la cathédrale vers l'église de Saint-Martin-en-Val. Donc une sacralité qui perdure à travers le christianisme. Et un usage funéraire qui est aussi particulier, puisque les équipes qui ont fouillé l'église, partiellement pour le moment, l'église de Saint-Martin-en-Val, ont aussi mis en évidence la présence de tombes avec des bijoux et des objets de très grande valeur qui montrent qu'on a affaire à une population qui est une population de l'élite qui vient se faire inhumer à Saint-Martin-en-Val, sans doute au plus près de reliques particulièrement vénérées. Oui, jusqu'à la fin, jusqu'à l'abattoir qui réutilise les assises donc du temple. L'histoire du sanctuaire semble aussi mouvementée, puisque vous avez découvert une fosse remplie d'individus. De quoi s'agit-il exactement ? Alors on est dans la phase d'abandon de l'angle nord-est du quadriportique, une grande fosse qui est, on va dire, plus creusée pour récupérer les matériaux qui ont été amenés, les remblais qui ont été ramenés, c'est-à-dire l'argile, voilà, épurée de tout silex extrait du sous-sol à l'époque de la construction du monument. Cette fosse est réutilisée, on va y inhumer plus de 120 cadavres à l'intérieur. On est certainement, alors l'étude est en cours, elle n'est pas complètement terminée, mais la courbe démographique montre qu'on est dans une crise de mortalité, certainement liée à une épidémie. On est dans les années 270-280 et on sait que à Carthage, Saint Cyprien en fait référence. On a le départ, voilà, évêque de Carthage. On a le départ d'une épidémie pestilentielle. Alors ça veut dire que c'est la peste qui va se diffuser. Ça, c'est Porphyre de Tyr qui nous précise les phases de diffusion à Rome avec plusieurs étapes, notamment 265-266. Assez virulent, puisqu'il dit qu'elle fait plus de 1000 morts par jour. Et on sait qu'après, elle se diffuse au niveau des limesses, au niveau des légions dans les années 270. D'ailleurs, Claude de Legothic meurt en Pannonie d'une maladie pestilentielle. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'était la première occurrence lorsqu'on l'a mis au jour en 2009. On n'avait pas d'occurrence qui marquait cette phase épidémique connue dans les textes. Il y en a une deuxième maintenant qui a été mise en évidence en Égypte. Et là où c'est intéressant, nous on est dans les phases d'études, on est dans les phases aussi laboratoires avec des analyses ADN pour mieux comprendre. Mais en Égypte, ils ont été un peu plus rapides que nous. Ils ont mis en évidence des éléments qui pourraient correspondre à une maladie qui donc n'est pas la peste, mais qui serait plus la rougeole, voire même le virus entre guillemets Ebola qui voilà était présent à l'époque. Mathias Dupuis, la découverte d'une cache de mage spécialiste de magie blanche, des fresques représentant peut-être l'empereur, aujourd'hui le plafond d'un sanctuaire d'Apollon, pourquoi l'archéologie nous surprend-elle si souvent à Chartres ? Alors je pense que l'archéologie nous surprend à Chartres déjà avant tout parce qu'il y a beaucoup d'archéologues à Chartres. Et c'est vrai que... 40 voilà, alors 40, une équipe de 40 personnes dédiées à l'archéologie. Et c'est important que je le précise, au sein de la direction de l'archéologie. Effectivement, on est dans une ville dans laquelle l'archéologie a été particulièrement dynamique au cours de ces 40 dernières années et qui a permis d'explorer quand même une très grande partie de la ville. On dénombre près de 270 opérations archéologiques réalisées depuis 2003, à peu près 60 hectares ouverts. Donc on a une connaissance quand même assez fine de la ville et des contextes stratigraphiques et taphonomiques qui permettent la conservation des vestiges. Mathias Dupuis, Bruno Bazin, merci beaucoup et bien sûr, bravo pour cette belle découverte. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadja. À la technique, Philippe Mercher, et bien sûr avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou